Il reprit: Vous avez, ainsi qu'une ennemie, traité la race humaine. Où vous avez passé, tout est mort, l'herbe a crû. Vous avez écrasé les femmes, les enfants, les vieillards au front chauve, et lâché vos soldats comme des bêtes fauves. Vous avez relevé le glaive et l'échafaud, brisé la loi d'en bas, bravé la loi d'en haut. Vous êtes devant Dieu. Qu'avez-vous à répondre? Comme devant la braise, on voit la cire fondre, ces noirs victorieux tombèrent à genoux, et criant et pleurant dirent: Ce n'est pas nous! Ce n'est pas nous, Seigneur! Seigneur, ce sont les juges! Après les châtiments, les fléaux, les déluges, les hommes ont assis sur des sièges sacrés d'autres hommes savants, austères, vénérés, pour être au milieu d'eux comme la loi vivante. Seigneur, quand nous frappions, tous ces juges qu'on vante disaient: Vous faites bien, tuez, versez le sang, ceci, c'est le coupable. Or, c'était l'innocent, nous ne le savions pas. Nous, troupes au mal poussées, nous n'étions que le bras. Ils étaient la pensée, nous n'étions que la force, eux, ils étaient l'esprit, nos meurtres sont leurs crimes. Et l'archange reprit: Allez! Tout s'effaça comme un flocon d'écume.